natambola watashina nuna mwasi aleki kitoko lokola kolete chomba maintenant c'est la plus belle que je trouve vraiment na bosa ni basi toi écoutez moi ça Gigi Mawa na London oui ça y a bino ba na Londres c'est ame city boyo katune ta kasis le Mohamed Ali. Madame F. Brigitte Guirinoué, zéro faute. De la nana Denise Boyoka. Motonza makela, nalolenge na ye, lokola kela mokili. Mi bale na mbomba, ningala pe mi pepe. Ya fifi ya di chano. Na yo akeli yo lisye mwange la o. Panama, ma pléreo, et mi quitte, I'm not going to be able to do that.